période de questions qui suit l'intervention de Christian Roy. Mais celle à gauche, c'est Lou Andreas Salomé. Lou Andreas Salomé, qui est une grande amie de Freud, mais qui est aussi connue. En fait, elle est connue pour ses grandes amitiés, voire plus intimes, avec trois grands hommes. D'abord Nietzsche, c'était probablement l'amour de sa vie. Et puis Rilke, ensuite, puis ensuite Freud. Mais elle a fait des contributions importantes à la psychanalyse, ou en tout cas à la psychologie, notamment la psychologie des sexes, des différences hommes-femmes. Donc, elle n'est pas nécessairement en odeur de sainteté aujourd'hui, justement pour mettre ça de l'avant. Et c'est drôle que dans les explications qu'on met sur les murs, là, au musée, bon, on s'excuse presque de la... On trouve que c'est un trait de son époque que Freud est justement à l'époque où les définitions de la famille étaient en plein éclatement, qu'il a insisté sur la différence des sexes. C'est comme si c'était une sorte de trait touchant là, de monde périmé. Nous, éclairés, on ne croit pas que ça existe, les sexes. Mais lui, il est encore dans ce monde primitif. Alors même au musée Freud, ils en sont là à s'excuser pour constater des différences entre les sexes. Alors, donc, Lou Salomé, bien sûr, elle a comme un statut ambigu à cause de ça, parce qu'elle tenait beaucoup à ça, toute féministe qu'elle était. Ben là, je suis encore bloqué. Alors, est-ce que, bon, vous avez des questions sur autour de l'intervention de Christian, évidemment, infiniment riche. Bon, là, ce qu'on voit, c'est la crypte des Habsbourg, en fait, de la dynastie impériale. Pas juste les empereurs, mais toute leur famille, enfin, ceux qui sont là. Mais ce que je cherchais, en fait, là, c'est que je trouve pas, mais enfin, je vais juste donner l'idée. Un de ceux qui sont pas là, c'est justement toute l'histoire des princes héritiers là, de François-Joseph. Je venais de rappeler à Karim... des tragédies de l'histoire, de la vie personnelle de François-Joseph, c'est pas inintéressant de le rappeler. D'abord, son héritier, Rudolf, qui s'est suicidé avec sa maîtresse en 1889, parce qu'il n'avait pas reçu la permission de l'épouser. Et puis, en 1898, sa femme, l'impératrice Élisabeth, mieux connue sous le nom de Sissi, qui se fait assassiner par un anarchiste à Genève. Ensuite, c'est son neveu qui devient son héritier, qu'il n'aime pas tellement, François Ferdinand, qui a des visées réformatrices, là, qui aurait voulu répondre aux aspirations des Tchèques notamment et fédéraliser l'Empire. Donc finalement, il était la principale chance de renouveau de l'Empire, mais c'est précisément ce qui était... tué avec lui par un terroriste serbe à Sarajevo. Et il n'est pas enterré là, mais il y a une plaque qui à sa mémoire, qui rappelle celle de son épouse, qui dit « aux premières victimes de la Première Guerre mondiale ». C'est vrai. Ouais. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion, une exposition sur l'Autriche de cette époque à Bruxelles. Ils avaient le carrosse noir qui a servi à ses funérailles. Et même si c'était interdit, j'ai pas pu m'empêcher de prendre une photo de l'intérieur parce que je dis, voilà l'abîme où la civilisation européenne s'est effondrée dans cette profondeur noire, là, c'est toute l'Europe est morte avec lui, là. Mais oui, écoute, en t'écoutant ce matin, bon, c'est sûr que c'est un puits d'informations sur l'Autriche-Hongrie, là, de fin de siècle et début du 20e siècle. Et bon, je ne pouvais pas empêcher de penser d'une part que ce moment était le moment préparatoire à la Première Guerre mondiale. On devrait trouver dans ce moment-là tous les éléments qui allaient faire la guerre. Et d'autre part, on pouvait aussi comparer la situation que vivait Vienne avec la situation que vivait au même moment Paris avec l'affaire Dreyfus. Exactement, c'est très conscient. Freud est très conscient de ça, il vit ça comme parallèlement. En même temps, il y a Luger, l'antisémite, qui arrive au pouvoir à Vienne, puis en même temps que l'affaire Dreyfus, qui vit Zola comme son héros à ce moment-là. Donc, ça fait partie de son traumatisme politique, ces deux affaires-là. Puis c'est aussi la naissance du sionisme, hein. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est aussi un des mouvements post-libéraux qui apparaissent à la même époque que l'antisémitisme version catholique, l'antijudaïsme, ou mettons, là, et l'antisémitisme ethnique là, de Schönerer, avec la triste lignée qu'on lui connaît. Tout ça apparaît en même temps, c'est la même matrice de l'échec du libéralisme autrichien. C'est ça, et l'idée, bon, qui... Et du libéralisme européen, c'est ça. Parce que, justement, Herzl aussi était très... C'est un journaliste pour un des grands quotidiens, mais basé à Paris, qui couvrait l'affaire Dreyfus, et il a tiré les conclusions, là, qu'au fond, le libéralisme ne peut pas protéger les Juifs. Hein. Ce qu'on a en commun, tous les mouvements post-libéraux, c'est que le juif est toujours l'autre et l'ennemi pour eux. Donc, on ne peut pas compter sur le triomphe du libéralisme pour protéger les juifs. Il faut faire son propre mouvement post-libéral pour créer entre juifs quelque chose comme des idéaux libéraux, mais dans un contexte plus émotivement satisfaisant, plus délibérément communautaire en quelque sorte, mais dans la création, dans l'idée de création de toute pièce d'un État-nation, hein, mais avec toutes les ressources psychologiques, avec un culte des héros ou de création de symboles, etc. Donc une sorte de création néo-communautaire en quelque sorte, créée de toute pièce pour sauvegarder quelque chose du libéralisme dans le cadre d'un projet ostensiblement ethnique, et donc faire appel même aux juifs arriérés du ghetto dans l'idée de les intégrer à ce projet de nation building qui est une sorte de né d'une déception envers le libéralisme chez Herzl, mais dans une idée toute séculière, mais simplement comme façon de réaliser les idéaux séculiers avec un prétexte qui n'était pas religieux mais qui était ethnique. Oui, en fait, ce que... Et c'est à ce moment-là que Freud se joint à Bnei-Brit, mais pas dans une idée sioniste, c'est pas vraiment son truc, mais c'est ça, il prend conscience, simplement d'une façon défensive, de son identité juive, et qu'il ferait mieux de, simplement pour avoir une zone de confort qui soit pas vraiment hostile, de se revendiquer de ça dans une certaine mesure, rien que d'un point de vue sociologique, pour une sorte de zone de protection, un réseau de protection. En fait, ce que tu mettais en valeur dans ta présentation, c'était au fond cette opposition entre un univers politique qui est marqué par l'empereur, le renouveau du communautarisme et d'une certaine façon l'échec. Pas encore désastreux de l'expérience parlementaire, hein, dans ce cadre-là. Bon, donc ça c'est d'une part, et d'autre part, ce recours à la culture, et dans ce recours à la culture comme univers qui va sauver Ou le faire tenir, en tout cas, oui. Ouais. Il y a l'idée des pulsions. Ouais. Des pulsions qui sont comme ça irrépressibles, acquérantes. Hein, ouais. Et alors, quand on réfléchit à ce dipôle, si tu veux, on peut se dire que peut-être que les Autrichiens ont été les premiers à avoir la surprise de découvrir ce qui se passe quand le père meurt. Hein, quand le père n'est plus cette espèce de Deus ex machina dont tout dépend, ouais. Mais devient un dieu parlementaire. Ben c'est ça. En fait, c'est que leur père n'est pas mort, il est devenu impuissant. C'est ça le truc. D'où la révolte des fils. C'est ça. Donc, on dirait que les Viennois découvrent, effrayés, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, à savoir que le père n'est plus là pour ordonnancer les choses et que désormais, il y a les pulsions qui vont agir sans frein, à moins qu'on aille chercher la fratrie pour réinstituer quelque chose. Ben c'est ça. Ben justement, la culture, c'est une sorte de contre-mouvement à ça. C'est le pari de domestiquer l'univers pulsionnel sous une forme esthétisante, littéralement domestiqué, puisque ben, notamment ça implique un accent sur la vie domestique, en quelque sorte l'esthétisation de la vie domestique. Un retrait du monde public, en quelque sorte. C'est un peu ça. Il y a à la fois une surpolitisation des mouvements néo-communautaristes, et par rapport à ça, du point de vue des intellectuels cultivés, une sorte de retrait dans le monde privé, ou encore une sorte de division du travail entre une vie pulsionnelle privée et une technocratie administrative publique, en quelque sorte. C'est un peu ça la solution impériale, c'est d'avoir à la fois l'économie gérée par les fonctionnaires, mais aussi la culture qui permet de rendre ça vivable, donc par une esthétisation de la vie quotidienne, et en mettant en parenthèse la politique, c'est-à-dire le public actif qui devient ingérable. Ça. Et ce qui est particulier, c'est que les communautés dont il est question ici, ce ne sont plus les communautés d'autrefois, ça devient le communautarisme. Hein. Oui, mais c'est en partie des communautés inventées, c'est ce que fait Herzl, hein. Il crée une identité juive, mais au fond, ça, c'est une façon plus dramatique Il y a une sorte de réinvention des différentes entités ethniques en tant que nation, hein? en tant qu'entité homogène, inscrite dans une sorte de téléologie politique. Au lieu qu'il y ait un dynamisme paternel vertical, on va essayer d'instaurer un dynamisme exactement, qui va peut-être réussir, lui, à contrôler les pulsions. Ou les canaliser, effectivement. Donc je pense que le début du XXe siècle, que ce soit à Vienne ou en France, ou peut-être ailleurs, a constitué ce moment important où il faut réussir à séparer les choses avec des forces qui nous viennent de la fratrie. Mm-hmm. Hein, on est pris dans des mouvements pulsionnels trop passionnels, trop fusionnels, et on n'a pas les forces qu'il faut pour écarter ces fusions. Alors, on s'invente une fratrie qui va fusionner et séparer en même temps, puisque à l'intérieur de la fratrie, on est fusionné, mais à l'extérieur de la fratrie, on est distinct de la fratrie d'à côté. Et la fusion se fait par opposition à cet extérieur. Il y a une création, en quelque sorte, de l'ennemi réel ou imaginaire pour faire tenir ensemble. C'est ça. Donc il y a un principe logique qui naît à ce moment-là et duquel nous sommes encore les enfants. C'est à ce moment qu'on invente la linguistique structurale, c'est à ce moment que Freud apparaît, c'est à ce moment que, il y a une logique dans laquelle nous vivons aujourd'hui qui dépend de ces deux décennies-là. Voilà ce que... Est-ce qu'on peut se prendre un petit temps de clinique ou bien à moins que vous ayez d'autres commentaires sur la présentation de Christian? On pourrait même y revenir autour du film de cet après-midi. Oui, c'est ça. Alors, qui nous présente Freud lui-même dans son contexte. De la Vienne de l'époque. Ouais. Voilà.